Curiosité.net. Mémoire de Voltaire. Lu par Alain Bernard. Illustration musicale. Tommaso Albinoni. Allegro Manon Troppo. Anecdote sur Louis XIV. Note de l'auteur. Je suis obligé de renouveler mes justes plaintes au sujet de toutes les éditions qu'on a faites jusqu'à présent de mes ouvrages dans les pays étrangers. Ce serait à la vérité un honneur pour la littérature de notre patrie que ces fréquentes éditions qu'on fait ailleurs des livres français, si elles étaient faites avec fidélité, avec soin. Mais elles sont d'ordinaire si défigurées. On y mêle si souvent ce qui n'est pas de nous avec ce qui nous appartient. On altère et barbarement le sens et le style que cet honneur devient en quelque manière honteux et ridicule. Je ne suis pas assurément le seul qui s'en soit plaint et qui ait prémuni le public contre ce brigandage. Mais je suis peut-être celui qui ait le plus de raison de me plaindre. L'édition des Lédés d'Amsterdam et celle d'Arkstey et Mercus sont surtout pleines à chaque page de fautes et d'infidélités si grossières qu'elles doivent révolter tout lecteur. On a même poussé l'abus de la presse jusqu'à insérer dans ces éditions des pièces scandaleuses, dignes de la plus vile canaille. Je me flatte que le public aura pour elles le même mépris que moi. On sait assez à quel succès punissable plusieurs libraires de Hollande ont poussé leur licence. Ces livres aussi odieux que mal faits, qu'ils débitent et qu'ils regardent uniquement comme un objet de commerce, ne font tort à personne, si ce n'est au lecteur crédule qui achète imprudemment ces malheureuses éditions sur leur titre. J'ai cru qu'il était de mon devoir de renouveler cet avertissement, ce 20 janvier 1748. Louis XIV était, comme on sait, le plus bel homme et le mieux fait de son royaume. C'était lui que Racine désignait dans Bérénice par ses vers « Quand quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde en le voyant eut reconnu son maître. » Le roi sentit bien que cette tragédie, et surtout ses deux vers, étaient faits pour lui. Rien n'embellit d'ailleurs comme une couronne. Le son de sa voix était noble et touchant. Tous les hommes l'admiraient, et toutes les femmes soupiraient pour lui. Il avait une démarche qui ne pouvait convenir qu'à lui seul, et qui eût été ridicule en tout autre. Il se complaisait à en imposer par son air. L'embarras de ceux qui lui parlaient était un hommage qui flattait sa supériorité. Ce vieil officier qui, en lui demandant une grâce, balbutiait, recommençait son discours, et qui enfin lui dit « Sire, au moins je ne tremble pas ainsi devant vos ennemis », n'eut pas de peine à obtenir ce qu'il demandait. La nature lui avait donné un tempérament robuste, et fit parfaitement tous ses exercices, jouait très bien à tous les jeux qui demandent de l'adresse et de l'action. Il dansait les danses graves avec beaucoup de grâce. Sa constitution était si bonne qu'il fit toujours deux grands repas par jour sans altérer sa santé. Ce fut la bonté de son tempérament qui fit l'égalité de son humeur. Louis XIII, infirme, était chagrin, faible et difficile. Louis XIV parlait peu, mais toujours bien. Il n'était pas savant, mais il avait le goût juste. Il entendait un peu l'italien et l'espagnol, et ne put jamais apprendre le latin que l'on montre toujours assez mal dans une éducation particulière et qui est de toutes les sciences la moins utile à un roi. On a imprimé sous son nom une traduction des commentaires de César, ce sont ses thèmes, mais on les faisait avec lui. Il y avait peu de part. Et on lui disait qu'il les avait faits. J'ai ouï dire au cardinal de Fleury que Louis XIV lui avait un jour demandé ce que c'était que le prince Quemadmodum, mot sur lequel un musicien, dans un motet, avait prodigué, selon leur coutume, beaucoup de travail. Le roi lui avoua à cette occasion qu'il n'avait presque jamais rien su de cette langue. On eût mieux fait de lui enseigner l'histoire, la géographie et surtout la vraie philosophie, que les princes connaissent si rarement. Son bon sens et son goût naturel suppléèrent à tout. En fait, des beaux-arts, il n'aimait que l'excellent. Rien ne le prouve mieux que l'usage qu'il fit de Racine, de Boileau, de Molière, de Bossuet, de Fénelon, de Lebrun, de Girardon, de Lenôtre, etc. Il donna même quelquefois à Quino des sujets d'opéra, et ce fut lui qui choisit Armide. M. Colbert ne protégea tous les arts et ne les fit fleurir que pour se conformer au goût de son maître. Car M. Colbert, étant sans lettres, élevé dans le négoce, et chargé par le cardinal Mazarin de détails d'affaires, ne pouvait avoir pour les beaux-arts ce goût qui donne naturellement une cour galante à laquelle il faut des plaisirs au-dessus du vulgaire. M. Colbert était un peu sec et sombre. Ses grandes vues pour la finance et pour le commerce, le roi était et devait être moins intelligent que lui, ne s'étendirent pas d'abord jusqu'aux arts aimables. Il se forma le goût par l'envie de plaire à son maître et par l'émulation que lui donnait la gloire acquise par M. Fouquet dans la protection des lettres, gloire qu'il conserva dans sa disgrâce. Il ne fit d'abord que de mauvais choix, et lorsque Louis XIV, en 1662, voulut favoriser les lettres en donnant des pensions aux hommes de génie et même aux savants, Colbert ne s'en rapporta qu'à ce chapelain dont le nom est devenu depuis si ridicule grâce à ses ouvrages et à Boileau. Mais il avait alors une grande réputation qui s'était faite par un peu d'érudition, assez de critique et beaucoup d'adresse. C'est ce choix qui a dit à Boileau, jeune encore, et qui lui inspira tant de traits satiriques. M. Colbert se corrigea depuis et favorisa ceux qui avaient des talents véritables et qui plaisaient au maître. Ce fut à Louis XIV qui, de son propre mouvement, donna des pensions à Boileau, à Racine, à Pélisson, à beaucoup d'autres, et s'entretenait quelquefois avec eux, et même lorsque Boileau se fut retiré à Auteuil, étant affaibli par l'âge, et qu'il vint faire sa cour au roi pour la dernière fois, le roi lui dit « Si votre santé vous permet de venir encore quelquefois à Versailles, j'aurai toujours une demi-heure à vous donner. » Au mois de septembre 1690, il nomma Racine du voyage de Marly, et il se faisait lire par lui les meilleurs ouvrages du temps. L'année d'auparavant, il avait gratifié Racine et Boileau, chacun, de 1000 pistoles, qui font 20 000 livres d'aujourd'hui, pour écrire son histoire, et il avait ajouté à ce présent 4 000 livres de pension. On voit évidemment, par toutes ces libéralités répandues de son propre mouvement, et surtout par sa faveur accordée à Pélisson, persécuté par Colbert, que ses ministres ne dirigeaient point son goût. Il se porta de lui-même à donner des pensions à plusieurs savants étrangers. Et M. Colbert consulta M. Perrault sur le choix de ceux qui reçurent cette gratification si honorable pour eux et pour le souverain. Un de ses talents était de tenir une cour. Il rendit la sienne la plus magnifique et la plus galante de l'Europe. Je ne sais pas comment on peut lire encore des descriptions de fêtes dans ses romans après avoir lu celles que donna Louis XIV. Les fêtes de Saint-Germain, de Versailles, ses carousels sont au-dessus de ce que l'imagination la plus romanesque a inventé. Et dansait d'ordinaire à ses fêtes avec les plus belles personnes de la cour. Il semblait que la nature eût fait des efforts pour seconder le goût de Louis XIV. Sa cour était remplie des hommes les mieux faits de l'Europe, et il y avait à la fois plus de 30 femmes d'une beauté accomplie. On avait soin de composer des danses figurées, convenables à leur caractère et à leur galanterie. Souvent même, les pièces qu'on représentait étaient remplies d'allusions fines qui avaient rapport aux intérêts secrets de leur cœur. Non seulement il y eut de ces fêtes publiques dont Molière et Lully firent des principaux ornements, mais il y en eut de particulières, tantôt pour Madame, belle-sœur du roi, tantôt pour Madame de la Vallière. Il n'y avait que peu de courtisans qui fussent admis. C'était souvent Benserade qui en faisait les vers, quelquefois nommé Bellot, valet de chambre du roi. J'ai vu des canevas de ce dernier, corrigés de la main de Louis XIV. On connaît ces vers galants que faisait Benserade pour ses ballets figurés, où le roi dansait avec sa cour. Il y confondait presque toujours, par une allusion délicate, la personne et le rôle. Par exemple, lorsque le roi, dans un de ses ballets, représentait Apollon, voici ce que lit pour lui Benserade. Je doute qu'on le prenne avec vous sur le ton de Daphné et de Phaéton, lui trop ambitieux, elle trop inhumaine. Il n'est point là de piège où vous puissiez donner. Le moyen de s'imaginer qu'une femme vous fuit ou qu'un homme vous mène. Lorsqu'il eut marié son petit-fils, le duc de Bourgogne, à la princesse Adélaïde de Savoie, il fit jouer des comédies pour elle dans un des appartements de Versailles. Duché, l'un de ses domestiques, auteur du bel opéra d'Iphigénie, composa la tragédie d'Absalon pour ses fêtes secrètes. Madame la duchesse de Bourgogne représentait la fille d'Absalon. Le duc d'Orléans, le duc de la Vallière y jouaient. Le fameux acteur baron dirigeait la troupe et y jouait aussi. Il y avait alors appartement à 3 fois la semaine à Versailles. La galerie et toutes les pièces étaient remplies. On jouait dans un salon, dans l'autre il y avait musique, dans une troisième il y avait une collation. Le roi animait tous ses plaisirs par sa présence. Quelquefois, il faisait dresser dans la galerie des boutiques garnies de bijoux, les plus précieux. Il en faisait des loteries, ou bien on les jouait à la rafle, et madame, la duchesse de Bourgogne, distribuait souvent les lots gagnés. C'est au milieu de tous ces amusements magnifiques et des plaisirs les plus délicats qu'il forma ces vastes projets qui firent trembler l'Europe. Il mena la reine et toutes les dames de la cour sur la frontière. À la guerre de 1667, il distribua pour plus de 100 000 écus de présents, soit aux seigneurs flamands qui venaient lui rendre leur respect, soit aux débutés des villes, soit aux envoyés des princes qui venaient le complimenter. Et il suivait en cela son goût pour la magnificence autant que la politique. C'est sur quoi on ne peut assez s'étonner qu'on l'ait osé accuser d'avarice dans presque toutes les pitoyables histoires qu'on a compilées de son règne. Jamais prince n'a plus donné, plus à propos et de meilleure grâce. Les plaisirs nobles dont il occupa sans cesse la plus brillante cour du monde ne l'empêchèrent point d'assister régulièrement à tous ses conseils. Il les tenait même pendant qu'il était malade et il ne s'en dispensa qu'une fois pour aller à la chasse. Il y avait peu d'affaires ce jour-là. Il entra pour dire qu'il n'y aurait point de conseil, et le dit en parodiant ainsi sur le champ un air d'un opéra de Quinault et de Lully. Le conseil à ses yeux a beau se présenter, sitôt qu'il voit sa chienne, il quitte tout pour elle. Rien ne peut l'arrêter quand la chasse l'appelle. Il avait fait quelques petites chansons dans ce goût aisé et naturel, et dans les voyages en Franche-Comté. Il faisait faire des impromptus à ses courtisans, surtout à Pélisson et au marquis de Danjou. Il ne jouait pas mal de la guitare, qui était alors à la mode, et se connaissait très bien en musique comme en peinture. Dans ce dernier art, il n'aimait que les sujets nobles. Les Téniers et les autres petits peintres flamands ne trouvaient point grâce devant ses yeux. « Ôtez-moi ces magots-là, » dit-il un jour, qu'on avait mis un Ténier dans un de ses appartements. Malgré son goût pour la grande et noble architecture, il laissa subsister l'ancien corps du château de Versailles avec les 7 croisées de face et sa petite cour de marbre du côté de Paris. Il n'avait d'abord destiné ce château qu'à un rendez-vous de chasse, tel qu'il avait été du temps de Louis XIII, qu'il avait acheté du secrétaire d'État Loménie. Petit à petit, il en fit ce palais immense, dans la façade du côté des jardins, et ce qu'il y a de plus beau dans le monde, et dans l'autre façade, et dans le plus petit et le plus mauvais goût. Il dépensa à ce palais et au jardin plus de 500 millions, qui en font plus de 900 de notre espace actuel. Monsieur le duc de Créqui, qui lui disait « Sire, vous avez beau faire, vous n'en ferez jamais qu'un favori sans mérite. » Les chefs-d'œuvre de sculpture furent prodigués dans ses jardins. Il en jouissait et les allait voir souvent. « J'ai ouï dire à feu monsieur le duc d'Antin que lorsqu'il fut surintendant des bâtiments, il faisait quelquefois mettre ce qu'on appelle des cales entre les statues et les socles, afin que, quand le roi viendrait se promener, il s'aperçût que les statues n'étaient pas droites et qu'il eut le mérite du coup d'œil. En effet, le roi ne manquait pas de trouver le défaut. Monsieur d'Antin contestait un peu, et ensuite se rendait et faisait redresser la statue, en avouant avec une surprise affectée combien le roi se connaissait à tout. Qu'on juge par cela seul combien un roi aisément s'en fait à croire. On sait le trait de courtisan que fit ce même duc d'Antin lorsque le roi vint coucher à Petit-Bourg et qu'ayant trouvé qu'une grande allée de vieux arbres faisait un mauvais effet. Monsieur d'Antin la fit abattre et enlever la même nuit. Et le roi, son réveil, n'ayant plus trouvé son allée, il lui dit « Sire, comment vouliez-vous qu'elle osât paraître encore devant vous ?» Elle vous avait déplu. Ce fut le même duc d'Antin qui, à Fontainebleau, donna au roi et à madame la duchesse de Bourgogne un spectacle plus singulier et un exemple plus frappant du raffinement de la flatterie la plus délicate. Louis XIV avait témoigné qu'il souhaiterait qu'on abattît quelque jour un bois entier qui lui ôtait un peu de vue. Monsieur d'Antin fit scier tous les arbres du bois près de la racine de façon qu'il ne tenait presque plus. Des cordes étaient attachées à chaque corps d'arbre et plus de 1200 hommes étaient dans ce bois prêts au moindre signal. Monsieur d'Antin savait le jour que le roi devait se promener de ce côté avec toute sa cour. Sa majesté ne manqua pas de dire combien ce morceau de forêt lui déplaisait. « Sire, lui répondit-il, ce bois sera abattu dès que votre majesté l'aura ordonné. »« Vraiment ?» dit le roi. « S'il ne tient qu'à cela, je l'ordonne. » Et je voudrais déjà en être défait. Eh bien, sire, vous allez l'être. Il donna un coup de sifflet et on vit tomber la forêt. Ah, madame, s'écria madame la duchesse de Bourgogne, si le roi avait demandé nos têtes, monsieur Dantin les ferait tomber de même. Bon mot, un peu vif, mais qui ne tirait point d'inconséquence. C'est ainsi que tous les courtisans cherchaient à lui plaire, chacun selon son pouvoir et son esprit. Il le méritait bien, car il était occupé lui-même de se rendre agréable à tout ce qui l'entourait. C'était un commerce continuel de tout ce que la majesté peut avoir de grâce sans jamais se dégrader, et de tout ce que l'empressement de servir et de plaire peut avoir de finesse sans l'air de la bassesse. Il était surtout avec les femmes d'une attention et d'une politesse qui augmentaient encore celle des courtisans, et il ne perdit jamais l'occasion de dire aux hommes de ces choses qui flattent l'amour-propre en excitant l'émulation et qui laissent un long souvenir. Un jour, Madame la Dauphine, voyant à son souper un officier qui était très laid, plaisanta beaucoup et très haut sur sa laideur. « Je le trouve, Madame, dit le roi, encore plus haut, un de ces beaux hommes de mon royaume, car c'est un des plus braves. » Le comte de Marivaux, lieutenant général, homme un peu brutal et qui n'avait pas adouci son caractère dans la cour même de Louis XIV, avait perdu un bras dans une action et se plaignait un jour au roi, qu'il avait pourtant récompensé autant qu'on peut le faire pour un bras cassé. Je voudrais avoir perdu aussi l'autre et ne plus servir votre majesté. J'en serais bien fâché, pour vous et pour moi, lui répondit Louis XIV. Et ce discours fut suivi d'une grâce qu'il lui accorda. Il était si éloigné de dire des choses désagréables qui sont des traits mortels dans la bouche d'un prince, qui ne se permettaient pas même les plus innocentes et les plus douces railleries, tandis que les particuliers en font tous les jours de si cruels et de si funestes. Il faisait un jour un compte à quelques-uns de ses courtisans, et même il avait promis que le compte serait plaisant. Cependant, il le fut si peu que l'on ne rit point, quoique le compte fût du roi. Monsieur le prince d'Armagnac, qu'on appelait Monsieur le Grand, sortit alors de la chambre, et le roi dit à ceux qui restaient, « Messieurs, vous avez trouvé mon compte fort insipide et vous avez eu raison. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un trait qui regarde de loin Monsieur le Grand et qui aurait pu l'embarrasser. J'ai mieux aimé le supprimer que de hasarder de lui déplaire. Mais à présent qu'il est sorti, voici mon compte. » Il l'acheva et on rit. On voit par ces petits traits combien il est faux qu'il n'ait jamais laissé échapper ce discours dur et révoltant dont on l'accuse. Qu'importe lequel de mes valets me serve, c'était, dit-on, pour mortifier M. de la Rochefoucauld. Louis XIV était incapable d'une telle indécence. Je m'en suis informé à tous ceux qui approchaient de sa personne. Ils m'ont tous dit que c'était un conte impertinent. Cependant, il est répété et cru d'un bout de la France à l'autre. Les petites calomnies font fortune comme les grandes. Comment des paroles si odieuses pourraient-elles se concilier avec ce qu'il dit au même duc de la Rochefoucauld, qui était embarrassé de dettes? Que ne parlez-vous à vos amis? Mot qui lui-même valait beaucoup, et qui fut accompagné d'un don de 50 000 écus. Quand il reçut un légat qui vint lui faire des excuses au nom du pape, et un doge de Gênes qui vint lui demander pardon, il ne songea qu'à leur plaire. Ses ministres agissaient un peu plus durement. Aussi, le doge d'Escarot, qui était un homme d'esprit, disait « Le roi nous ôte la liberté en captivant nos cœurs, mais ses ministres nous la rendent. » Lorsqu'en 1686, il donna à son fils le grand dauphin le commandement de son armée, il lui dit ses propres mots « En vous envoyant commander mon armée, je vous donne les occasions de faire connaître votre mérite. C'est ainsi qu'on apprend à régner. Il ne faut pas, quand je viendrai mourir, qu'on s'aperçoive que le roi est mort. » Il s'exprimait presque toujours avec cette noblesse. Rien ne fait plus d'impression sur les hommes, et on ne doit pas s'étonner que ceux qui l'approchaient eussent pour lui une espèce d'idolâtrie. Il est certain qu'il était passionné pour la gloire, et même encore plus que pour la réalité de ses conquêtes. Dans l'acquisition de l'Alsace et de la moitié de la Flandre, de toute la Franche-Comté, ce qu'il aimait le mieux était le nom qu'il se faisait. En effet, pendant plus de 50 ans, il n'y eut en Europe aucune tête couronnée que ses ennemis même osassent seulement mettre avec lui en comparaison. L'empereur Léopold, qu'il secourut quelquefois et humilia toujours, n'était pas un prince qui pût discuter rien au roi de France. Il n'eut de son temps aucun empereur turc qui ne fût un homme médiocre et cruel. Philippe IV et Charles II étaient aussi faibles que la monarchie espagnole l'était devenue. Charles II d'Angleterre ne songea à imiter Louis XIV que dans ses plaisirs. Jacques II ne l'imita que dans sa dévotion. Et il profita mal des efforts que fit pour lui son protecteur. Guillaume III souleva l'Europe contre Louis XIV. Mais il ne put l'égaler ni en grandeur d'âme, ni en magnificence, ni en monument, ni en rien de ce qui a illustré ce beau règne. Christine en Suède ne fut fameuse que par son abdication et son esprit. Les rois de Suède, ses successeurs, jusqu'à Charles XII, ne firent presque rien de digne du grand Gustave. Et Charles XII, qui fut un héros, n'eut pas la prudence qui en eût fait un grand homme. Jean Sobieski, en Pologne, eut la réputation d'un brave général, mais ne put acquérir celle d'un grand roi. Enfin, Louis XIV, jusqu'à la bataille d'Hochstädt, fut le seul puissant, le seul magnifique, le seul grand presque en tout genre. L'hôtel de ville de Paris lui décerna ce nom de grand en 1680, et l'Europe, quoique jalouse, le confirma. On l'a accusé d'un faste et d'un orgueil insupportable parce que ses statues, à la place Vendôme et à celle des Victoires, ont des bases ornées d'esclaves enchaînés. On ne veut pas voir que celle du grand, du clément, de l'adorable Henri IV, sur le pont Neuf, est aussi accompagnée de 4 esclaves, que celle de Louis XIII, faite anciennement pour Henri II, en a autant, et que celle même du grand-duc Ferdinand de Médicis à Livourne a les mêmes attributs. C'est un usage des sculpteurs plutôt qu'un monument de vanité. On érige ces monuments pour les rois, comme on les habille, sans qu'ils y prennent garde. Il était si peu amoureux de cette fausse gloire qu'on lui reproche, qu'il fit ôter de la galerie de Versailles les inscriptions pleines d'enflures et de fastes que Charpentier de l'Académie française avait mises à tous les cartouches. L'incroyable passage du Rhin, la sage conduite du roi, la merveilleuse entreprise de Valenciennes, etc. Louis XIV supprima toutes les épithètes et ne laissa que les faits. L'inscription qui est à Paris, à la porte Saint-Denis, et qu'on lui a reprochée, est à la vérité insultante pour les Hollandais. Mais elle ne contient pour Louis XIV aucune louange révoltante. Il n'entendait point le latin, comme on l'a dit. Il n'alla presque jamais à Paris, et peut-être n'a-t-il pas plus entendu parler de cette inscription que de celle de Santeuil qui sont aux fontaines de la ville. Il serait à souhaiter, après tout, que nous ne laissassions subsister aucun monument humiliant pour nos voisins et que nous imitassions cela les Grecs qui, après la guerre du Péloponnèse, détruisirent tout ce qui pourrait réveiller l'animosité et la haine. Les misérables histoires de Louis XIV disent presque toutes que l'empereur Léopold fit élever une pyramide dans le champ de bataille d'Hochstädt. Cette pyramide n'a existé que dans des gazettes. Et je me souviens que M. le maréchal de Villars me dit qu'après la prise de Fribourg, il envoya 50 mètres sur le champ où s'était donnée cette funeste bataille, avec ordre de détruire la pyramide en cas qu'elle existât et qu'on n'en trouvât pas le moindre vestige. Il faut mettre ce compte de la pyramide avec celui de la médaille du Stasol, Arrête-toi Soleil, qu'on prétend que les états généraux avaient fait frapper après la paix d'Aix-la-Chapelle, sottise à laquelle ils ne pensèrent jamais. Les choses principales dont Louis XIV tirait sa gloire étaient d'avoir, au commencement de son règne, forcé la branche d'Autriche espagnole, qui disputait depuis 100 ans la préséance à nos rois, à la céder pour jamais en 1661. D'avoir entrepris, dès 1664, la jonction des deux mers. D'avoir réformé les lois en 1667. D'avoir conquis la même année la Flandre française en 6 semaines. D'avoir pris l'année suivante la Franche-Comté, en moins d'un mois, au cœur de l'hiver. D'avoir su ajouter à la France Dunkerque et Strasbourg. Que l'on ajoute à ces objets qui devaient le flatter une marine de près de 200 vaisseaux, en comptant les allèges, 60 000 matelots, enclassés en 1681, outre ceux qu'il avait déjà formés, le port de Toulon, celui de Brest et de Rochefort bâtis, 150 citadelles construites, l'établissement des Invalides, de Saint-Cyr, l'Ordre Saint-Louis, l'Observatoire, l'Académie des sciences, l'abolition du duel, l'établissement de la police, la réforme des lois, on verra que sa gloire était fondée. Il ne fit pas tout ce qu'il pouvait faire, mais il fit beaucoup plus qu'un autre. Quand je dirai que tous les grands monuments n'ont rien coûté à l'État qu'ils ont embelli, je ne dirai rien que de très vrai. Le peuple croit qu'un prince qui dépense beaucoup en bâtiments et en établissements ruine son royaume. Mais en effet, il l'enrichit. Il répand de l'argent parmi une infinité d'artistes. Toutes les professions y gagnent. L'industrie et la circulation augmentent. Le roi qui fait le plus travailler ses sujets est celui qui rend son royaume plus florissant. Il aimait les louanges sans doute, mais il ne les aimait pas grossières. Et les caractères qui sont insensibles aux justes louanges n'en méritent d'ordinaire aucune. S'il permit les prologues d'opéra dans lesquels Quino le célébrait, ses éloges plaisaient à la nation et redoublaient la vénération qu'elle avait pour lui. Les éloges que Virgile, Horace et Ovide même prodiguèrent à Auguste étaient beaucoup plus forts. Et si on songe aux proscriptions, ils étaient assurément bien moins mérités. Louis XIV n'adoptait pas toujours les louanges dont on l'accablait. L'Académie française lui rendait régulièrement compte des sujets qu'elle proposait pour le prix. Il y eut une année où elle avait donné pour sujet du prix laquelle de toutes les vertus du roi méritait la préférence. Il ne voulut pas recevoir ce coup d'encensoir assommant et défendit que ce sujet fût traité. Et il résulte de tout ce qu'on vient de rapporter que jamais homme n'ambitionna plus la vraie gloire. La modestie véritable est, je l'avoue, au-dessus d'un amour-propre si noble. S'il arrivait qu'un prince, ayant fait d'aussi grandes choses que Louis XIV, fût encore modeste, ce prince serait le premier homme de la terre et Louis XIV le second. Nota bene. L'édition de 1748 contient de plus ici les 8 alinéas suivants, dont le premier seul a été reproduit dans le Mercure en 1750. Suit. Une preuve incontestable de son excellent caractère, c'est la longue lettre qu'il écrivit à M. Le Tellier, archevêque de Reims, que j'ai eu le bonheur de voir en original. Il était très mécontent de M. de Barbezieux, neveu de ce prélat, auquel il avait donné la place de secrétaire d'État du célèbre Louvois, son père. Il ne voulait pas dire des choses dures à M. de Barbezieux. Il écrit à son oncle pour le prier de lui parler et de le corriger. « Je sais ce que je dois, dit-il, à la mémoire de M. de Louvois. Mais si votre neveu ne change de conduite, je serai forcé avec douleur à prendre parti. » Ensuite, il entre dans un long détail de toutes les fautes qu'il reproche à ce ministre, comme un père de famille tendre et instruit de ce qui se passe dans sa maison. Il se plaint que M. de Barbezieux ne fait pas un assez bon usage de ses grands talents, qu'il néglige quelquefois les affaires pour les plaisirs, qu'il fait attendre trop longtemps les officiers dans son antichambre, qu'il parle avec trop de hauteur et de dureté. La lettre est assurément d'un roi et d'un père. Dans 1000 libelles qu'on a écrites contre lui, on lui a reproché ses amours avec la plus grande amertume. Mais quel est celui de tous ceux qui l'accusent, qui n'ait eu la même passion? Il est plaisant qu'on ne veuille pas donner à un roi une liberté que les moindres de ses sujets prennent si hautement. Ceux qui n'ont jamais connu cette passion sont d'ordinaire des caractères durs et impitoyables. Une femme digne d'être aimée adoucit les mœurs. Elle est la seule qui puisse dire à un prince des vérités utiles, qu'il n'entendrait peut-être pas, sans honte et sans dépit, de la bouche d'un homme, et qu'un homme même n'oserait pas dire. Louis XIV fut heureux dans tous ses choix, et il le fut encore dans ses enfants naturels. Il en eut 10 légitimes, et 2 qui ne le furent pas. Des 10 légitimés, 2 moururent dans leur enfance. Les 8 qui vécurent eurent tous du mérite. Les princesses furent aimables, le duc du Maine et le comte de Toulouse furent des princes très sages, le comte de Vermandois qui mourut jeune et qui était amiral avant le comte de Toulouse promettait beaucoup. Dans les dernières histoires de Louis XIV, on prétend que ce fut même Madame de Montespan qui produisit elle-même Madame de Maintenon à la cour. On se trompe. Ce fut le duc de Richelieu père du premier gentilhomme de la chambre, qui a été connu en Europe par les agréments de sa figure et de son esprit, et par le service qu'il a rendu dans la bataille de Fontenoy. L'hôtel de Richelieu était le rendez-vous de la meilleure compagnie de Paris et soutenait la réputation du Marais, qui était alors le beau quartier. Madame de Maintenon, qu'on appelait Madame Scarron, veuve du fils d'un conseiller de grande chambre, d'une très bonne famille de robes, et petite-fille du fameux d'Aubigné, si connu sous Henri le Grand, allait fort souvent à l'hôtel de Richelieu, dont elle faisait les délices. Madame de Montespan, voulant envoyer aux eaux de Barège son fils, le duc du Maine, encore enfant, qui était né avec une difformité dans un pied, cherchait une personne intelligente et secrète qui se chargeât de la conduite. La naissance du duc du Maine était encore un mystère. Monsieur le duc de Richelieu proposa ce voyage à Madame Scarron, qui n'était pas riche. Et monsieur de Louvois, qui était dans la confidence, la fit partir pour les eaux secrètement avec le jeune duc du Maine. Il faut avouer qu'il y eut dans la fortune de cette dame une destinée bien étrange. Elle était née à Niort, dans la prison où son père était renfermé, après s'être sauvée du château Trompette avec la fille du sous-gouverneur nommé de Cardillac, qu'il avait épousée. Ainsi, elle était très bonne demoiselle par son père et par sa mère, mais sans aucun bien. Son père avait dissipé le peu de fortune qu'il avait eue, et en chercha une en Amérique. Il y mena sa fille, âgée de 3 ans. Elle fut sur le point, en abordant sur le rivage, d'y être dévorée par un serpent. De retour en France, à l'âge de 12 ans, elle logea chez la duchesse de Navailles, sa parente, qui ne lui donna que de l'éducation. Elle y changea de religion, car elle était née calviniste. Ce fut une fortune pour elle d'épouser Scarron, qui ne vivait presque de pension et de ses ouvrages, qu'il appelait sa terre de Quinet, parce que Quinet était son libraire. Après la mort de son mari, elle fit demander au roi, par tous ses amis, une partie de la pension dont Scarron jouissait. Et le roi la fit attendre 2 ans. Enfin, il lui en donna une de 1000 livres, avant qu'elle menât monsieur le duc du Maine aux eaux. Il lui dit « Madame, je vous ai fait bien attendre, mais j'étais jaloux de vos amis, et j'ai voulu que vous n'eussiez obligation qu'à moi. Monsieur le cardinal de Fleury, de la bouche de qui je tiens ce fait, m'a dit que le roi lui tint le même discours quand il lui donna l'évêché de Fréjus. Elle avait environ 50 ans quand Louis XIV s'attacha à elle. Il faut convenir qu'à cet âge, on ne subjugue pas le cœur d'un roi, et surtout d'un roi devenu difficile, sans avoir un très grand mérite. Il faut de la complaisance, sans empressement, de l'esprit, sans envie d'en montrer, une flexibilité naturelle, une conversation solide et agréable, l'art de réveiller sans cesse l'âme d'un homme accoutumé à tout et dégoûté de tout, assez de force pour donner de bons conseils et assez de retenue pour ne les donner qu'à propos. Il faut enfin ce charme inexprimable qui enchaîne un esprit et qui ranime les langueurs de l'habitude. Madame de Maintenon avait toutes ces qualités. Elle fit les douceurs de la vie de Louis XIV depuis 1684 jusqu'à la mort de ce monarque. L'histoire de Reboulet dit qu'il épousa en présence de bon temps et de Formin. Mais ce fut de monsieur de Montchevreuil, et non monsieur de Formin, qui assista comme témoin. La première femme du roi d'Angleterre, Jacques II, était fille du chancelier Hyde. Il s'en fallait beaucoup qu'elle fût aussi de bonne maison que Madame de Maintenon, et elle n'avait pas son mérite. Nous avons vu Pierre le Grand épouser une personne bien inférieure à ces deux dames, et cette épouse de Pierre le Grand devenir impératrice et mériter de l'être. Le mérite fait disparaître bien des disproportions et rapproche bien des intervalles. Une des choses qui prouva combien Madame de Maintenon était digne de sa fortune, c'est que jamais elle n'en abusa. Elle n'eut jamais la vanité de vouloir paraître ce qu'elle était. Sa modestie ne s'est démentie point. Personne à la cour n'eut à se plaindre d'elle. Elle se retira à Saint-Cyr après la mort de Louis XIV et vécut d'une pension de 80 000 livres. C'était la seule fortune qu'elle se réserva. Note. Dans l'édition de 1748, on trouve cette phrase qui avait été supprimée dans le Mercure de 1750, lorsque ce journal reproduisit des anecdotes sur Louis XIV. Quand l'État fut délivré de leur secte et privé de leur secours, les jansénistes voulurent prendre leur place et faire un parti considérable. Il le fut quelque temps. Louis XIV en fut importuné les dernières années de sa vie, mais l'autorité les a écrasés et les convulsions les ont rendus ridicules. Toutes les histoires imprimées en Hollande reprochent à Louis XIV la révocation de l'édit de Nantes. Je le crois bien, tous ces livres sont écrits par des protestants. Ils furent des ennemis d'autant plus implacables de ce monarque qu'avant d'avoir quitté le royaume, ils étaient des sujets fidèles. Louis XIV ne les chassa pas comme Philippe III avait chassé les Maures d'Espagne, ce qui avait fait à la monarchie espagnole une plaie inguérissable. Il voulait retenir les Huguenots et les convertir. J'ai demandé à M. le cardinal de Fleury ce qui avait principalement engagé le roi à ce coup d'autorité. Il me répondit que tout venait de M. de Baville, intendant du Languedoc, qui s'était flatté d'avoir aboli le calvinisme dans cette province, où cependant il restait plus de 80 000 Huguenots. Louis XIV crut aisément que, puisque l'intendant avait détruit la secte dans son département, il l'anéantirait dans son royaume. M. de Louvois consulta sur cette grande affaire M. de Gourville, que le roi Charles II d'Angleterre appelait le plus sage des Français. La vie de M. de Gourville fut d'enlever à la fois tous les ministres des églises protestantes. Au bout de 6 mois, dit-il, la moitié de ces ministres abjurera, et on les lâchera dans le troupeau. L'autre moitié sera opiniâtre, et restera enfermée sans pouvoir nuire. Il arrivera qu'en peu d'années, les Huguenots, n'ayant plus que des ministres convertis, et engagés à soutenir leur changement, se réuniront tous à la religion romaine. D'autres étaient d'avis qu'au lieu d'exposer l'État à perdre un grand nombre de citoyens, qui avaient en main les manufactures et le commerce, on fit venir au contraire des familles luthériennes, comme il y en a dans l'Alsace. L'autorité royale était affermie sur des fondements inébranlables, et toutes les sectes du monde n'auraient pas fait dans une ville une sédition de 15 jours. M. Colbert s'opposa toujours à un coup d'éclat contre les Huguenots. Il ménageait des sujets utiles. Les manufactures de Vaurobet et de beaucoup d'autres qu'il avait établies n'étaient maintenues que par des gens de cette secte. Après sa mort, arrivé en 1683, M. de Tellier et M. de Louvois poussèrent les calvinistes. Ils s'ameutèrent, on révoqua l'édit de Nantes, on abattit leur temple, mais on fit la grande faute de bannir les ministres. Quand les bergers marchent, les troupeaux suivent. Il sortit du royaume, malgré toutes les précautions comprises, plus de 800 000 hommes qui portèrent avec eux dans les pays étrangers environ 1 milliard d'argent, tous les arts et leur haine contre leur patrie. La Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne furent peuplées de ces fugitifs. Guillaume III eut des régiments entiers de protestants français à son service. Il y a 10 000 réfugiés français à Berlin qui ont fait de cet endroit sauvage une ville opulente et superbe. Ils ont fondé une ville jusqu'au fond du Cap de Bonne-Espérance. Louis XIV fut très malheureux depuis 1704 jusqu'à 1712. Il soutint ses disgrâces comme un homme qui n'aurait jamais connu de prospérité. Il perdit son fils unique en 1711 et il vit périr en 1712, dans l'espace d'un mois, le duc de Bourgogne, son petit-fils, la duchesse de Bourgogne et l'aîné de ses arrière-petits-fils. Le roi, son successeur, qu'on appelait alors le duc d'Anjou, fut aussi à l'extrémité. Leur maladie était une rougeole maligne, dont furent attaqués en même temps M. de Seignelay, Mademoiselle d'Armagnac, M. de Listenay, Mme de Gondrin, qui a été depuis comtesse de Toulouse, Mme de Lavrillière, M. le duc de la Trimouille et beaucoup d'autres personnes à Versailles. M. le marquis de Gondrin en mourut en 2 jours. Plus de 300 personnes en périrent à Paris. La maladie s'étendit dans presque toute la France. Elle enleva en Lorraine 2 enfants du duc. Si on avait voulu seulement ouvrir les yeux et faire la moindre réflexion, on ne se serait pas abandonné aux calomnies abominables qui furent si aveuglément répandues. Elles furent la suite du discours imprudent d'un médecin nommé Boudin, homme de plaisir, hardi et ignorant, qui dit que la maladie dont ces princes étaient morts n'était pas naturelle. C'est une chose qui m'étonne toujours, que les Français qui sont aujourd'hui si peu capables de commettre de grands crimes soit si prompt à les croire. Le fameux chimiste Homberg, vertueux philosophe et d'une simplicité extrême, fut tout étonné d'entendre dire qu'on le soupçonnait. Il courut vite à la Bastille, s'y constituait prisonnier. On se moqua de lui, et on eut garde de le recevoir. Mais le public, toujours téméraire, fut longtemps imbu de ces bruits horribles dont la fausseté reconnue devait apprendre aux hommes à juger moins légèrement si quelque chose peut corriger les hommes. Un des malheurs de la fin du règne de Louis XIV fut le dérangement des finances. Il commença dès l'an 1689. On fit porter tous les meubles d'argent, orfèvrerie à la monnaie, en dépouillant sa galerie et son grand appartement de tous ces meubles admirables d'argent massif sculptés par Balin sur les dessins du fameux Lebrun. Et de tout cela, on ne retira que 3 millions de profits. On établit la capitation en 1695. On fit des tontines. Monsieur de Pontchartrip, en 1696, vendit des lettres de noblesse à qui en voulait pour 2000 écus. Et ensuite, on taxa à 20 francs la permission d'avoir un cachet. Dans la guerre de 1701, l'épuisement parut extrême. Monsieur Desmarets fut un jour réduit à prendre 100 000 francs qui étaient en dépôt chez les Chartreux et à mettre à la place des billets de monnaie dans un besoin pressant de l'État. Si on avait commencé par établir l'impôt du dixième, impôt légal pour tout le monde, par sa proportion, ce qu'on ne fit qu'en 1710, le roi eût eu plus de ressources. Mais au lieu de prendre cette voie, on ne servit que de traitants qui s'enrichirent en ruinant le peuple. L'État ne manquait point d'argent, mais le discrédit le tenait caché. Il a bien paru en dernier lieu, dans la guerre de 1741, combien la France a de ressources. Non seulement il n'y a pas eu un mouvement de discrédit, mais on ne l'a jamais craint. Rien ne prouve mieux que la France, bien administrée, est le plus puissant empire de l'Europe. Fin. Thank you.